Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 7 octobre 2024. Alors que va-t-il se passer? Eh bien vous allez tout de suite le savoir, amis Bélier. Jupiter rétrograde dès mercredi et vous incite à trier les tâches ou propositions qui vous parviennent. Ne prenez pas trop de poids sur les épaules actuellement, laissez un petit peu de place pour ce qui arrive. Côté relations, dans vos relations affectives, vous êtes plutôt gourmand dans vos désirs. Alors réclamez votre dû si vous n'êtes pas comblé, il suffit parfois de demander. Amis Taureau, dès mercredi, Jupiter rétrograde mal relié à Saturne. Voilà, en plus, il rétrograde et en plus, il est mal relié à Saturne. Eh bien, quoi? Eh bien, ça risque d'engendrer des frustrations financières ou professionnelles. Alors, mon conseil, redoublez d'efforts parce que rien n'est vain. Voilà, on essaie d'aller un petit peu contre cette rétrogradation. Un peu de huile de coude et puis ça va passer. Côté relation, Vénus est votre allié et Mars ajoute du piment dans votre vie sentimentale. Alors, laissez parler votre nature charmeuse. À présent, les Gémeaux. Selon Jupiter, vous savez vous imposer au travail. Alors toutefois, financièrement, dès le milieu de la semaine, eh bien, ne cédez pas aux tentations, c'est mon conseil. Côté relations, vous n'êtes pas des plus attentifs, mais vous avez besoin de rester concentré sur vos activités. Alors n'oubliez tout de même pas les anniversaires. Voilà, si vous êtes comme moi, on essaie de les noter parce que je suis championne pour les oublier. Voilà, mille excuses à tous ceux que j'ai oubliés cette année. Mais le cœur y est. Côté cancer, misez sur votre vaillance et votre concentration pour atteindre vos buts. Personne n'a envie de vous remettre en question. Et côté relation, le trigone de Vénus et de Mars en signe d'eau, mardi et autour, engendre des liens profonds. Laissez-vous aller à la générosité et à la passion. Amis Lion, votre agilité d'esprit joue un rôle essentiel dans votre croissance financière. Restez informé des tendances du marché, vous savez le faire. Côté relations, ce week-end, des désordres sentimentaux s'annoncent. Vénus et Uranus jouent les perturbateurs. Mettez des gants et réclamez en douceur plus de liberté personnelle. On peut le dire gentiment avec des mots tout doux, ça peut passer. Vierge, selon Mercure, des signatures, des accords peuvent avoir lieu toute la semaine. Alors mettez les bouchées doubles, vos démarches seront fructueuses. Côté relations, en séjour, Vénus, Mars et Saturne renforcent vos rapports de couple. En solo, le grand amour est dans l'air, le grand amour est dans l'air. Alors surtout, saisissez votre chance, il ne passe pas tous les jours. Chère Balance, déjà un très joyeux anniversaire. Là, je vais y penser cette fois-ci à tous ceux qui souhaitent leur anniversaire cette semaine. Eh bien, côté activité, qu'est-ce qu'il y a à dire? Le Soleil, Mercure et Jupiter vous mettent en valeur, oui. N'hésitez pas à vous associer à des équipes, vous avez le don de vous distinguer sans en faire des tonnes. Côté relations, Vénus peaufine votre intuition en matière affective. Et jusqu'à samedi, eh bien, Mars accentue votre courage. Alors tout simplement, suivez vos désirs, voilà. Côté scorpion maintenant, vous êtes un vrai moteur pour votre entourage, oui, et votre pugnacité et votre pertinence vous mènent loin, alors n'ayez pas peur de vous lancer. Côté relation, mardi, selon le trigone de Vénus dans votre signe et de Mars en cancer, vos émotions et votre sensualité également seront plus intenses, alors soyez conquérants. Sagittaire, le Soleil, Mercure et Jupiter renforcent votre sens des opportunités. Vous avez le talent de persuader autrui, alors surtout utilisez ce talent pour répondre à vos ambitions. Côté relations, le Soleil et Mercure animent vos relations. La connivence règne dans vos amitiés. Eh bien, voyez ce qui vous donne le sourire et puis n'hésitez pas, profitez de ces doux moments. Ça fait du bien, ça recharge les batteries. Capricorne, Jupiter vous propose de vous laisser aller, oui, à l'hédonisme, mais Saturne vous rappelle les règles strictes de la carrière, alors trouvez le bon compromis. Relations, Vénus, Mars et Saturne vous emmènent au firmament des cœurs, oui, levez-vous tôt et couchez-vous tard pour profiter de votre chance, c'est le moment. Verseau, le Soleil renforce votre énergie et votre détermination, profitez-en pour établir des objectifs clairs toujours et vous engager. Oui, à les atteindre chaque jour, petit pas par petit pas. Mais d'abord, déterminez-les et allez-y petit à petit, vous allez y arriver. Côté relation, misez surtout sur le soutien de la famille et de l'amitié cette semaine, car en amour, eh bien, vous n'êtes pas des plus à l'aise. J'ai dit cette semaine. Donc pensez à la famille et aux amis qui sont là toujours. Poissons, mes petits poissons, il est envisageable de changer de poste, de direction, de carrière. Alors pourquoi refuser? Écoutez votre intuition et ne laissez pas des craintes infondées vous freiner. Côté relation, Vénus, Mars en signe d'eau vous pousse à agir main dans la main. Et si vous êtes en solo, eh bien l'heure de l'engagement a sonné. J'entends les cloches. Voilà, chers amis, c'était votre horoscope de la semaine. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Ciao !